Hani hani hani hani ya, je suis venu ici pour faire la monnaie, nationalité Algérie. J'avais plus mon temps à tourner zoné. Hani hani hani hani ya, je suis venu ici pour faire mes lovés, nationalité Algérie. J'avais plus mon temps à tourner zoné. Marrakech ou Beris, Dubaï, Bali, on est partout, ben oui. Kishta, Bali. Allo baby, baby, elle me rappelle et je lui dis bye bye, bye bye. Dans le gamme, je mets du hasni, hasni. Sentimental quand je suis dans sale bye, sale bye. Hani, hani, hani, hani, ya. Je suis venu ici pour faire la monnaie, nationalité Algérie. Je perdrai plus mon temps à tourner zoné. Détni, dénié, détni. Détni, dénié, détni. Détni, dénié, détni. Détni, c'est pour la vie. Je gère le bébé comme un animal. J'suis dans les bails, j'suis dans le sale. J'ai rendu mes têtes, j'vous dois que dalle. Ah oui, tu m'en veux. J'suis parti de rien comme David Bowie. La miss elle veut la toffe, j'pense qu'elle est love. Elle joue la Pamela et moi le Hasselhoff. Henny, henny, henny, henny, ya. J'suis venu ici pour faire la monnaie, nationalité Algérie. J'perdrai plus mon temps à tourner zoné. Henny, henny, henny, henny. Sans plus rien pour eux, dans ta zone comme à la maison. Je suis serein et je vois le regard des ténèbres. Détenis, dénié, détenis. Détenis, dénié, détenis.